Jean Bosco, Ndoui Man. Bonjour à vous tous, bienvenue à ce journal de cette mi-journée du 12 octobre 2017. Et pour commencer, en voici les grandes articulations. À la veille de la commémoration ce vendredi du 56e anniversaire de l'assassinat du prince Louis Rwagasore, artisan de l'indépendance du Burundi, le premier vice-président de la République recommande aux hommes politiques de servir d'exemple dans la sauvegarde de l'unité. Et c'est la journée internationale des postes, l'occasion pour le ministre Nestor Bangomukunzi de déclarer que des stratégies ont été prises pour bien protéger l'argent des clients. Et deux bandits ont été arrêtés à la BCB Kayanza alors qu'ils tentaient de retirer de l'argent sur le compte de l'administrateur de Kirundo récemment décédé dans un accident de roulage dans cette province. Et un pasteur de l'église adventiste du 7e jour au chef-lieu de la province Bururi est dans la main de la police. Il est accusé d'atteinte à la liberté de culte contre l'Église catholique et le pape. Notre correspondant nous en donnera les détails. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Les Burundais commémorent ce vendredi le 56e anniversaire de l'assassinat du prince Louis Rwagasore, héros de l'indépendance du Burundi. Dans un communiqué du ministre de l'Intérieur, le porte-parole a indiqué qu'en vue d'honorer la mémoire du prince, tout Burundais est invité à œuvrer pour l'unité, la paix, la sécurité et le travail. Terence Nahiraja a tenu à souligner que les cérémonies sont organisées dans tout le pays et que personne n'est autorisé à porter des signes distinctifs de son parti politique. Suivez. Le ministère de l'Intérieur et de la Formation patriotique demande à tous les administratifs, aux représentants des confessions religieuses, aux représentants des partis politiques et ceux de la société civile de mobiliser leurs membres en vue de participer massivement à cette commémoration. En vue d'honorer la mémoire de son héros national, tout Burundi est invité à œuvrer pour l'unité, la paix, la sécurité, la démocratie et le travail, source de développement durable. Concrètement, les cérémonies sont organisées de la manière suivante. En mairie de Bujumbura, les cérémonies débuteront par une messe à la cathédrale Regina Mundi à partir de 9h10 matin, suivie par le dépôt des gerbes de fleurs au mausolée du prince Louis Rwagasore à partir de 11h10 matin et enfin le discours du prince Louis Rwagasore. Les gouverneurs de province, le maire de la ville de Bujumbura et les administrateurs communaux sont invités à veiller à une mobilisation de la population en général et des cadres et agents de l'État en particulier, tant du secteur public que privé, pour une bonne participation à cette commémoration. Étant donné l'ampleur de la journée, il nous plaît de rappeler que ce n'est pas l'occasion de la propagande des partis politiques avec les signes distinctifs, mais plutôt les partis politiques sont invités à déposer des gerbes de fleurs. Signalons en terminant que tous les drapeaux seront hissés à Berne ce vendredi, le 13 octobre 2017. Terence Nahiraja, c'est le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Et le prince Louis Rwagasore occupe une place de choix au sein du parti UPRONA. Mais également, il devrait servir d'exemple aux administratifs et aux hommes politiques, car il a été caractérisé par l'unité. C'est le point de vue du premier vice-président de la République, issu de ce parti. Et cette déclaration a été faite à la veille du 56e anniversaire de l'assassinat du héros de l'indépendance. Suivez. Le Rwagasore, il est fondateur du parti UPRONA, mais il est le fils de cette nation. Parce que Rwagasore est le symbole de l'unité. Rwagasore est le symbole de la démocratie. Rwagasore est le symbole de l'indépendance nationale. Quand vous me posez cette question, c'est parce que vous savez que je suis membre du parti UPRONA, et je vous le dis en tant que membre du parti UPRONA, le prince Louis Rwagasore a une place de choix au niveau du pays et au niveau du parti UPRONA. Rwagasore, c'est un exemplaire. Donc, c'est un modèle à suivre. Qui soit l'autorité administrative ou l'autorité politique doit suivre la démarche du prince Rwagasore. C'est une démarche unitaire. Donc, c'est cela qui caractérisait le prince Rwagasore. Donc, nous sommes sur les traces d'héros national. Aujourd'hui, la plupart des gens disent que si Rwagasore revenait et voit ce qui se passe à l'UPRONA, il sera très content. Il sera très content, pourquoi ? Parce que avoir les partis qui ont été formés en même temps que le parti UPRONA, voir les partis qui subsistent encore, c'est le seul parti UPRONA. Ils auront à nous remercier parce que nous avons pu sauvegarder le parti UPRONA, tandis que d'autres partis ont disparu complètement.

et vient en appui au programme élargi de traçage des fosses anti-érosives, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour la mise en œuvre effective du cadre d'action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes, mettant un accent particulier aux groupes vulnérables. C'était le ministre de la Sécurité, Alain Guillaume Wunyoni. Je vous l'avais dit dans les titres, un pasteur de l'église adventiste du 7e jour au chef-lieu de la province Bururi est dans la main de la police de Bururi depuis ce mardi. Didier Akizimana est accusé d'atteinte à la liberté de culte contre l'église catholique et son pape. Les détails avec notre correspondant Jean-Pierre Misako. Didier Akizimana, pasteur de l'église adventiste du 7e jour à Gatowe au chef-lieu de la province de Bururi, a été arrêté ce mardi avant midi alors qu'il répondait à la convocation de la police sur des dépliants qu'il distribue, lesquels dépliants portent des dessins dont la signification porte atteinte à la personnalité du pape François et à l'église catholique qu'il représente. Selon certains habitants de Bururi, ce pasteur reconnaît les faits et assume les explications qu'il leur colle. La police de Bururi le retient pour atteinte à la liberté de culte, comme prévu à l'article 410 du Code pénal burundais. Et son dossier sera immédiatement transmis au parquet de Bururi pour statuer sur le cas, après sa clôture par l'officier de police judiciaire de Bururi, selon des informations obtenues de la police de Bururi. Jean-Pierre Misago de Bururi, Radio Isanganiro. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Ce jingle annonce l'actualité internationale. Au Kenya, 7 personnes sont mortes lors d'un effondrement d'un immeuble de 4 étages ce mercredi. Et en République démocratique du Congo, la Commission nationale électorale dit avoir besoin de plus de 500 jours pour terminer l'enrôlement. Les détails avec Mireille Kanyang. Débutons cette actualité internationale sur la République démocratique du Congo, où la Commission électorale nationale indépendante indique avoir besoin de 504 jours après la fin de l'enrôlement pour organiser l'élection présidentielle, écrit Jeune Afrique. Ce recensement étant en cours, et ce pour plusieurs semaines encore dans les régions du Kasaï, cette déclaration de la CENI revient à affirmer, selon toujours Jeune Afrique, qu'il n'y aura pas d'élection à République démocratique du Congo avant le premier trimestre de 2019. Au Kenya, 7 personnes sont mortes ce mercredi dans l'effondrement d'un immeuble de 4 étages en construction dans la ville de Kisii, au sud du pays. Selon BBC Afrique, le responsable du département des catastrophes de la localité a déclaré que 22 personnes, des ouvriers qui, pour la plupart, travaillaient sur le chantier, ont été secourus. La qualité des matériaux et le non-respect des normes sont régulièrement cités comme étant cause de ces accidents, selon toujours BBC Afrique. Et au Burkina Faso, Djibril Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères, est en résidence surveillée depuis ce mercredi aux environs de 23 heures. Il sera placé dans une villa présidentielle sous surveillance militaire, selon toujours la BBC Afrique. Djibril Bassolé avait été inculpé pour trahison dans l'affaire du coup d'État manqué de 2015. Terminons cette actualité internationale par les États-Unis d'Amérique, dans l'état de Californie, où les incendies continuent. Depuis dimanche, 23 personnes sont déjà mortes et des vignobles calcinés. Selon la Radio France Internationale, attisés par des vents pouvant dépasser 60 km par heure, quelques 16 000 habitations sont déjà menacées par les flammes. Les pompiers estiment qu'au moins 3 500 bâtiments ont été détruits. Mireille Kanyang, et c'est sur ces nouvelles brèves internationales que nous bouclons ce journal à 13h15 à Bujumbura et sur Isanganiro. Merci à vous tous pour votre aimable attention. Également, merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à réaliser ce journal que j'ai présenté avec la complicité technique de Jean Dodieu Ndaïsenga. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Un bon après-midi.